Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle édition de Sans pleurer et sans reproche. Ce soir, l'équipe est complète dans les studios, en live, en direct, dans les studios de Galaxy Radio. On est très contents d'être comme ça. Et dis donc, Greg, t'as commencé avec quoi l'émission ? Alors, une petite trouvaille, hein. Ça fait, je pense comme toi, quelques semaines, voire des mois qu'on louche sur le retour d'un label légendaire dans le domaine de musique qu'on préfère, c'est-à-dire industriel, EBM, etc., même Cold Wave pour la plupart. Il s'agit du label Antler Records, puisque c'est deux compilations, oui, j'ai carrément choisi les deux compilations. Je viens de les recevoir en promo de la part du label. Ces deux volumes s'appellent Antler Records Early Years, volume 1, volume 2, et issus de cela, donc dans l'ordre chronologique. Je vous ai choisi The Neon Judgment avec Sweet Revenge. Je ne connaissais pas ce morceau personnellement. Pas du tout non plus. Et donc, on enchaînait avec un groupe dont je ne connaissais pas non plus le début de carrière, c'est Men Second. Avec le titre A Transition. Voilà, donc on redécouvre des vraies archives grâce au label qui donc refait surface, grâce à bien sûr des activistes qui restent un petit peu dans le secret. J'ai juste vu un pseudonyme qui s'appelle Je t'aime, mais je me demande si pas Aimé le Chevalier. Ah, peut-être. Ouais, il a son propre label qui s'appelle le Valhalla Records. Et je sais que c'est lui qui a donc fait la sélection des titres présents sur ces deux volumes. À savoir que, également, et en tout premier, est ressorti un double album en vinyle d'archives de Siglo XX, Siglo 20, Siglo BNT, au choix. En tout cas, voilà, c'est les trois premières références. Je les ai donc en ma possession désormais. Et on est très heureux de vous présenter le retour de Antler, eh bien, dans nos playlists. On retrouve d'autres extraits, bien entendu, vers 21h. Et donc, on va continuer avec la sélection de Walter. C'était la sélection de l'année passée, le dernier album, si on peut dire ça, de 16 Volts. Il s'appelle Negative on Arrival et ça sort chez Metropolis Records. Souvenez-vous du machine rock que Powell nous a envoyé en Europe dans les années 90 avec 16 Volts. Et ses albums comme Wisdom, Skin ou London Crush, ou encore Super Cool Nothing. À cette époque, il bossait avec les plus furieux comme Dave Ogilvy ou Keith Auerbach. Il a tourné avec des groupes guitares comme KMFDM, Filter, Prong et EBM aussi comme Front 242. Je disais tout à l'heure, nouvel album qui s'appelle Negative on Arrival, mais c'est pas vraiment un nouvel album, c'est plutôt une collection de morceaux créés dans un moment difficile dans la vie d'Eric Powell. Et notamment qu'elle a sorti deux albums en autoproduction qui s'appelaient The Negative Space et Dead on Arrivals. Vous avez compris, le Schmilblick. Et tout ça, ça nous met en appétit pour son prochain album qui va sortir cette année qui s'appelle More or Less. On va s'écouter In the Soul. Et on continuera avec une super nouveauté que j'adore, c'est le dernier Auto da Fé. Revolt avec In the Zoo de l'album Negative on Arrival et ça paraît chez Metropolis. Juste après le retour de Mika Rossi et sa bande sur le label allemand Scanner, il s'appelle Auto da Fe. On avait bien senti que Mika voulait reprendre ses machines en main avec son projet POC, qu'il a avec son fiston qui lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Auto da Fe revient dans une mouleur assez différente et ça fait du bien, franchement. Ils sortent un premier single, One Step Forward, qui est bien prometteur du prochain album. C'est écouter le FM Remix. Et pour terminer sur une note un petit peu plus douce, Disharmony, c'est le projet de Peter Rybar qui est vraiment un furieux. On est très content de l'avoir dans notre pool promo ici chez Sans Pleurer Sans Reproche. Il nous envoie vraiment toute cette production, c'est incroyable. Les récentes comme les anciennes. On s'est écouté Clone de Free, ça sort sur son label bien sûr, Alliance Production. On s'est écouté Operation Final Entity. À toi mon cher Greg. Allez, on poursuit avec une séquence et des groupes qui sont en train d'exploser actuellement. Des jeunes pousses et qui cartonnent et qui étaient en tournée d'ailleurs, en concert dans la région. Ces dernières semaines, j'ai fait un petit concentré avec quatre groupes. On commencera avec les Grenoblois de Lovatarax. Ils ont sorti un album Sophomore chez Call Transmission Music. On est vraiment bluffé par leur qualité de production. Donc ce sera le titre Hurl Condition. Donc l'album c'est Sophomore. On enchaînera avec Patriarchy. Là aussi, des nouveaux venus, on écoutera leur album The Unself avec le titre The State of Undress. C'est paru chez Dero Arcade. On continuera avec Void Vision avec le titre Hidden End, un extrait de l'album Sub Rosa paru chez les Berlinois de Mannequin Records. Et on terminera avec Aux Animaux, encore une formation féminine, démoniaque, vu le look qu'elle propose lors de ses concerts. Et voilà, c'est vraiment assez barré. Mais on aime beaucoup, on l'a déjà vu sur scène également cette année. On s'écoutera Vénus Lucifer, extrait de Body Horror, pardon. Et c'est paru chez Manic Dépression. Tout ça, c'était en concert il y a quelques semaines, ici à Lille, aux alentours. Je vous laisse vous régaler avec tout ça. Lovatarax, Patriarchy, Void Vision et Aux Animaux. Galaxy. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, sans pleurs et sans reproche. Toute l'actu Electro Indus sur Lille. Et oui, la relève est là, et bien là, avec tout d'abord Lovatarax, donc situé dans la région lyonnaise, plutôt Grenoble. On s'écoutait leur album Sophomore, qui est une vraie réussite, paru chez Colt Transmission Music. Il a également un super label qui découvre beaucoup de newcomers. C'était le titre Her Condition. Ensuite, Patriarchy et The State of Undress, extrait de l'album The Unself, paru chez Dero Arcade. Là aussi, hein, c'est autant bon musicalement que visuellement. Les concerts qui ont eu lieu ici à Lille, notamment à la Malterie, ont été de haut en couleur. En tout cas, le public était au rendez-vous puisque les deux dates étaient complètes. L'occasion de passer un très bon moment. Malheureusement, je n'ai pas été témoin de tout ça, mais je promets de les revoir dès leur retour dans la région. Donc Patriarchy, très intéressant également, avec une imagerie très fétichiste. Ensuite, Void Vision, juste une productrice électro qui se débrouille vraiment hyper bien. On s'écoutait Hidden Hand, extrait de Sub Rosa, qui fait quand même le pari de signé sur le label berlinois Mannequin Records, qui est quand même une sacrée référence en matière de musique électronique. Et on a terminé avec l'ésotérique artiste aux animaux, toute seule sur scène, telle une sorcière maléfique. Elle vous lance pas mal de signes pour vous envoûter, et à travers sa musique. C'est vraiment très bon aussi. On s'écoutait Venus Lucifer, extrait de Body Horror chez Manic Depression. Donc ce qui est passé récemment dans la région. Et il y en a encore plein d'autres. Je passe le relais à Walter. Et on reste dans le bassin lillois avec un duo de Lille qui nous a contactés directement. Et comme je le dis toujours, ça nous fait toujours plaisir. Ils s'appellent The Log Equation. Leur bassiste Tom nous a envoyé leur tout premier album qui s'appelle Diane's Diary, sorti en novembre 2023 en autoproduction de façon digitale et en cassette CD sur Conical Records. J'ai passé un morceau, un premier morceau de cet album lors du non-stop du 6 mai dernier. Et je vois que The Log Equation ne sont pas très prolixes quant à la diffusion d'informations. En tout cas, leur musique est un beau mélange de toutes les influences darkwave et électro qu'on connaît ici dans la région lilloise. J'espère qu'ils passeront dans les studios un de ces quatre juste après ou avant un de leurs concerts qu'ils donnent sur l'île. En tout cas, vous avez peut-être pu les voir samedi dernier, samedi 11 mai, au Soul Garden de Calais. Le bistrot tenu par Ramsey de Obzum Geschoft. On s'écoutera Coward Code. Puis on continuera avec une sortie de chez Oraculo Records et une sortie de chez Anzen. Juste un instant, le très chamanique Finglass, accompagné de Akamasots Mene Gokre, de l'album Wakantanka, et ça sort chez Anzen. C'est vraiment un album envoûtant, où chacun s'efforce de vous faire voyager dans des univers communs au peuple amérindien, qu'il soit du nord ou du sud. Et la voix sur le morceau qu'on vient de s'écouter, je vais pas répéter le nom, hein, est assurée par Daisy Olani. C'est sorti en CD en digipack 6 volets, vraiment du plus bel effet. Juste avant, Identity Theft, c'est un américain qui joue tout seul, il s'appelle Michael Buchanan. Et il sort en toute discrétion sa bonne dizaine d'albums depuis 2011 sur des labels différents. Le dernier en date est Omnia Veritas, qui nous est envoyé par India, la nouvelle collaboratrice de Nicolas en charge de la promo radio pour Oraculo Records. Je suis assez surpris de cette signature car il s'agit d'un album assez atmosphérique sur ce fougueux label espagnol, Oraculo. En tout premier, The Log Equation avec Coward Code de l'album Diane's Diary. Ça sort en autoproduction et c'est un duo de Lille. Bravo à eux. Je pense qu'il est temps de retrouver notre sélection de la semaine. Oui, on va faire affirmatif, Walter. Une double sélection, puisqu'il s'agit de deux compilations récemment sorties sur un label qui fait son retour après de nombreuses années d'absence. Il s'agit du label Antler Records, qui a été créé dans les années 80 par Roland Billen et Maurice Engelen, qu'on connaît également sous le nom de Praga Khan. Les deux acolytes ont signé des tonnes de pure merveille à l'époque, notamment lors de la grande vague New Beat Acid. Et d'ailleurs, d'autres labels sous-labels sont nés, comme Chaos Dance Records ou encore Subway. Le label Subway doit vous paraître familier également, puisque un peu avant les années 90, la fusion de Subway et Antler a eu lieu et a donné lieu d'ailleurs à la sortie d'innombrables productions plutôt dark. On retrouve The Clinic, Poésie Noire, j'en passe et des meilleurs. Split Second, il me semble. Arbeit Adelt, ouais. Vraiment, il y a énormément de choses. Tout à fait, Split Second, Walter, tu as raison. Voilà, il y a que des trésors qui sortaient à cette époque. C'était un des seuls labels qui sortait d'ailleurs ce genre de musique à l'époque. Donc un succès incommensurable. Et on ne sait pourquoi, bien sûr, ce label a splitté assez rapidement finalement. Praga Khan étant devenu producteur et également sorti plein d'autres projets très connus également. Et très récemment, un activiste, également DJ, producteur et également patron d'un label. Il s'agit de Lieven de Ridder, qu'on peut également connaître sous le nom de Aimé le Chevalier. C'est lui qui sélectionne d'ailleurs la playlist de ces deux compilations baptisées Antler Records Early Years. Donc là, c'est le deuxième volume, c'est sorti assez récemment. Le premier volume est sorti au mois de novembre ou décembre de l'année dernière. Et l'aventure continue, en tout cas ça prend et on retrouve des choses vraiment intéressantes puisqu'il s'agit d'archives issues des années 80, des choses qui n'ont jamais été rééditées d'ailleurs, hein, puisque il y avait des formes de contrats à l'époque qui empêchaient toute reproduction antérieure pour les artistes. Donc c'est une mine vraiment de pure merveille. Je redécouvre plein de choses à travers cette compilation, leur compilation, à savoir que la première production sortie sur le nouveau Antler Records est un album live, double album vinyle, également disponible en digital. Allez voir sur la page Bandcamp de Antler Records, il n'y a que trois références pour le moment, mais je vois l'engouement qui se dessine et ça va vraiment être assez incroyable, je pense. Il y aura beaucoup de rééditions en digital. Deux compiles qui sont sortis successivement. Et je vous propose de retrouver donc le volume 1 et le volume 2 de Antler Records Early Years, sélectionné par Lieven de Ridder de Valhalla Records, qui est à l'origine du retour de ce label légendaire. Et je vais maintenant vous offrir des petites pépites issues des années 80. Attention, le son est un peu crappy. C'est le son de démo. Et encore même des titres qui sont repris de vinyle. On entend le craquement. Donc voilà, c'est vraiment une compilation authentique. Je vous propose, pour commencer, du volume 1, Luc Van Acker et Didi de Paris qui nous chantent le titre Hans Vader. Et sur le volume 2, Poésie Noire, Notre artiste légendaire en Belgique également, grand producteur qui a sorti ses premières productions d'ailleurs chez Antler. On écoutera Hiroshima, mon amour. C'est parti, Luc Van Acker et Didi de Paris, Poésie Noire, issue du retour du label Antler Records. Galaxy. Sélection sans pleurs et sans reproches. SoundCloud, PodCloud, iTunes, Deezer, archive.org et sur le replay de galaxyradio.fr. Sans pleurs et sans reproches. Notre sélection de la semaine, la compilation, les compilations, volume 1, volume 2 des Antler Records Early Years. Voilà, c'est le retour de ce label légendaire, label belge, basé à Aarschot. Et donc on s'écoutait Luc Von Acker et Didi de Paris avec Hans Vader et Poésie Noire, Hiroshima, Mon Amour, qui sont vraiment des titres exceptionnels. Nous on s'est régalé, Walter, je t'ai vu. Poésie Noire, j'adore. Très bon, voilà, sélection de la semaine, on aura d'autres nouvelles de ce label très rapidement, puisqu'ils sont en train de compiler des nouvelles archives. On va passer à un petit agenda, Walter, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, parfait. Tu commences, je commence ? Moi j'ai une date pour demain, éventuellement, vas-y. J'annonce celle-là. Bon, après c'est pas à côté hein, non plus, c'est à Paris. Mais les deux artistes nous plaisent énormément, c'est Xeno and Oaklander et Contra Void, qui seront Petit Bain à Paris dans le 13e, et c'est une orga de Persona Grata, 19h30, les préventes sur la billetterie .petitbain.org, et je crois qu'il y a un tarif à 19 balles pour le concert. Je vais poursuivre avec le 22 mai, il y a une organisation à Bon Production, c'est Girls in Synthesis et Shoot, ça se passera à la Bulle Café de Oisem à Lille, hein, super endroit, c'est vrai qu'on en parle un petit peu beaucoup en ce moment, entre nous d'ailleurs. Et c'est un très très bel endroit. Le 24 mai, il y a Lesker 13, qui est la réunion de Suicide Commando et Stinskazor. Il y a 31 Style et Porno Karaoke. C'est au Fétiche Café de Anvers. 31 mai, il y a Whispering Sons au Grand Mix, ici à Tourcoing. 1er juin, il y a deux dates qui vont se chevaucher. Il y a un showcase de notre pote Kevin Deporter, alias Magnetic Crust, au Cultura de Villeneuve-d'Ascq. C'est Pierre qui relance ses showcases et franchement ça fait vraiment plaisir et c'est un plaisir doublé puisqu'il recommence avec Magnetic Crust. Et le même jour il y a Ultrason et Qual qui joueront en Botanique de Bruxelles, ce sera la release party pour le dernier album de Ultrason qui s'appelle US. Et je vais terminer par une date qui me fait voilà, sourire, c'est le 8 juin, il y a un karaoké spécial Indochine à la boule du centre de Gorin-Ramcroix. Je sais qu'il y a des fans. Moi, je vais rebondir sur une sorte de mini-festival qui aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 mai. C'est le Naim Festival X ou 10. Voilà, sur deux jours seront éparpillés des lives, des DJ sets avec bon nombre d'artistes. Et tout ça, bien sûr, concocté par Fanny Bouyagi depuis le début de Art.M. Hein. De toute façon, cette association qui était basée à Roubaix, à laquelle on avait également collaboré il y a quelques années. Ils sont toujours en place et ils ont eu la bonne idée d'investir. Le 99 bis, en tout cas l'association qui s'occupe de programmer tous les événements qui se déroulent au Métaphone à Oigny, c'est dans le Pas-de-Calais. Donc il y a des navettes qui sont organisées, je crois, pour 4 balles, il faut quand même réserver au passage entre Lille et Oigny, rien que pour ce week-end-là. Et donc le premier jour, le samedi, ce sera un enchaînement hard techno et indé électronique, et plus pas mal de trucs hybrides avec notamment APM 001, donc Art.M, Black Darlin, Vliss, Cassie Raptor, Cobozil, Zatar, il y a tellement pas mal de monde, également en VJing. Fanny Bouyagi qui sera accompagnée de Grave 7 et Loop Blaster. Le second jour sera plus une sorte de brunch en fait, hein, concocté avec pas mal d'activités comme le yoga, des concerts participatifs ou des jeux, des massages, également un stand tattoo. Pour ce dimanche, sera sous le signe d'un canapé mix et ça va être vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ruer sur l'orga et le site notamment du Métaphone 99 bis. Le Name Festival sont entre 29 et 25 euros plus la navette lors de ce week-end complet sous le signe de l'électro bien entendu. Le samedi 25 mai, une soirée dark electro, indus, electro punk night, plutôt manigancée par Ulfi, qui est un groupe, je crois, lillois, un peu électro, dark, qui invite Daleritas et Dreadful. Ça se passera à Lille, le Bidule, se situe 19 rue Henri Kolb, donc à Lille, à partir de 20h. Le vendredi 31 mai, Whispering Sounds plus Guest jouera à Tourcoing, le Grand Mix. C'est une organisation faite par Voulez-vous danser, ça commencera à 20h. La billetterie, bien sûr, www.legrandmix.com, pré-vente et sur place 19 balles. Et bien sûr, tous les avantages pour les abonnés ou les moins de 18 ans. Vendredi, le même soir, vendredi 31 mai, Christian Death, fameux groupe américain, gothique, il sera à Erneghem, au B52 Music Club, assez connu pour les méfaits organisés là-bas. Notamment Christian Death, il joue à chaque fois qu'il vient en Europe. Ça commencera à 20h et la billetterie, quant à elle, est assez privée puisqu'il faut contacter directement la prod à l'adresse suivante b52.club@yahoo.com. Donc le 1er juin, tu l'avais dit, hein, Walter, donc Ultra Sun Qual, organisation Persona Grata. Et je terminerai avec deux dates qui sont des festivals. C'est un peu plus loin cet été, mais bon, je les annonce, puisque je compte bien y aller. Et représenter sans pleurer son reproche, donc le festival de Dour, qui aura lieu du mercredi 17 au dimanche 21 juillet. Je vais faire un focus prochainement sur la première date, le jour 1. Ce sera donc le 17 et il y aura Babies Berserk, I Hate Models, Odimel, By Blade, Paula Temple, Céline Guilin, Jersey, Raccoon, Bagarre. C'est vraiment une soirée, enfin une journée complète dédiée à la musique électronique indé et plus. Donc ça va être vraiment sympa. Donc hâte de me retrouver dans la fumée boueuse du Festival de Dour. Donc je vous donnerai plus de détails sur l'affiche finale de ce festival. Et on terminera avec le festival Lokerse Festen, qui aura lieu, lui, du vendredi 2 au dimanche 11 août. Là, je ferai un focus bientôt sur le jour 3. Ça se passera le dimanche 4 août. Front de K2, Vive la Fête, The Sisters of Mercy, Ja Wubble, La Muerte et The KVB en concert, ensemble le même jour. Je sais qu'il y a un combi ticket pour les 10 jours qui se monte à 250€ pour 10 jours hein, quand même. Et bon, chaque jour un tarif différent, en l'occurrence pour la journée du 4 août avec 2K2. Donc l'entrée est de 55€. Toutes les informations sur le www.lokersfesten.be. Voilà pour la rubrique. Alors, je ne sais pas si tu as la date, mais c'est vrai, tu parles du Lokerse, et moi ça me fait penser au Pekerse Festival, je crois que c'est à Courtrai, où il y a Dagest qui joue, mais je n'ai plus la date. Ah mince, ouais, ouais, j'ai pas suivi. On en reparlera à l'occasion. Allez, info aussi sans pleurer son reproche, lundi 3 juin, en live ici, on va recevoir notre ami Len Lemaire de Implant, qui viendra présenter son nouvel album, qui est une tuerie exceptionnelle. Bien sûr, paru chez Alpha Matrix. Voilà, donc ce sera bientôt sur nos réseaux sociaux. Suivez le lien de notre page Facebook, par exemple. On va peut-être passer à la suite de la prog. Ouais. Je prends le relais avec une présentation d'un groupe original, s'il en est. Ça s'appelle Bestial Moths. C'est totalement porté par la Californienne Lynette Cerezo, qui aime bien s'accoutrer de tenues extravagantes et franchement, ça lui va très bien. Elle bossait avec deux autres Américains depuis 2009. Et elle a sorti plusieurs productions, dont notamment chez Dice Records. Mais depuis 2018, elle veut être seule aux commandes. Et fin d'année dernière, elle sort un album qui s'appelle Rot in My Skin chez Negative Gain Productions. Et rien que par curiosité, écoutez cette musique électro dark et pagane. D'ailleurs, les Niçois, dont Jeff fait partie maintenant, ont pu avoir le plaisir de la voir jouer live samedi passé à l'Atarax de Nice pour une soirée Dark Packer. Ça a l'air d'être une bonne orga, bien underground comme il faut et comme on les aime ici à Sans pleurer sans reproche. Ah bah on a un copain qui est dans l'orga de toute façon. Jeff, hein. Effectivement. On continuera avec Shovel Gabe, le morceau Vacuum de l'album Ich bin wach. Et on terminera par un Suisse, Karl Cave. Galaxy ever steal from me, 'cause I am the spell. Thank you. premier Bestial Mouth avec le morceau X de Spell de l'album Rot in My Skin, et ça sort chez Negative Gain Productions. Ensuite, c'était en Dancy cette séquence, c'était Schwefelgelb avec le morceau Vacuum de, du EP Ich bin wach, et ça sort chez eux, dans leur, le, sur leur label, pardon, Nplex. Et pour finir, Carl Cave, Sauveur Vidou de l'album Troeri Shoyendi. Ça sort en autoproduction, c'est son quatrième album depuis 2020. Traduit de l'allemand, il signifie « Les montagnes ont l'air tristes ». Ce sont 8 morceaux qui, dans l'ensemble, et je le regrette, se ressemblent fortement. C'est toujours le même tempo qui est utilisé pour illustrer la grandeur froide et magistrale des montagnes où Carl Cale vit en Suisse. C'est pour toi, Greg. Allez, bah, on va faire le final de cette édition de Sample Restant Proche avec 3 derniers titres, 3 promos également, 3 partenaires promos assez récents. On commencera avec l'agence basée à Paris qui s'appelle Ephelide et qui nous envoyait pas mal de choses intéressantes, une demi-douzaine d'artistes français et italiens de la nouvelle vague. On commencera avec le groupe qui s'appelle Hippon, c'est un duo formé de Jordan et Romain. Ils font une musique entre électro et dark disco, hein, les influences étant Soul Wax, un groupe belge, et la noirceur des films de David Lynch. Voilà, ça donne quand même un bon échantillon de ce que vous allez pouvoir découvrir comme, comme ambiance à travers leur projet. Ils viennent de sortir un nouveau single qui s'appelle Against. On va s'écouter la version originale. J'ai la version édite, mais j'ai préféré vous passer la version originale parce qu'elle est un peu plus longue et encore plus savoureuse. Ensuite, on enchaînera avec une nouveauté qui vient de Suède et du label de Torni Godberg, Progress Production. Il vient de faire paraître à nouveau après quelques années, je crois le dernier truc c'était en 2018, et il revient avec un single qui s'appelle Kennel Clubben. Il s'agit d'un projet fondé par Christer Lundberg et Martin Brandstrom. Ça donne une synth-pop tout à fait incroyable, comme seuls les Suédois savent le faire. Voilà, c'est vraiment excellentissime, c'est seulement le premier single, donc l'album va arriver et j'attends ça avec vraiment impatience. Chez Progress Production, nouveauté qui nous est envoyée, hein, c'est vraiment super. Ensuite, on terminera avec Peter Bowman, très connu dans les années 70 et 80, puisqu'il a fait partie d'énormissime groupe Tangerine Dream. Et donc il est parti en solo rapidement au milieu des années 70 pour fonder 3 albums sur Virgin, donc gros label également à l'époque qui sortait tout ce qui était underground et alternatif. Là c'est le label Cherry Red Records qui nous fait l'honneur de nous proposer le Phase by Phase The Virgin Albums, donc qui veut traduire les albums sortis chez Virgin. Il y en a eu 3 qui sont sortis à l'époque, donc Romance 76, Trans Harmonic Nights et Repeat Repeat. Tout ça est réuni en réédition, remasterisé pour les soins de ce box 3 CD. Et on va s'écouter le titre issu du premier CD, donc premier album. Et le titre est Romance, donc en remasterisé version 2024. Les sonorités sont encore plus exceptionnelles qu'à l'époque, même si je préfère le son du vinyle original. Voilà, c'est paru chez Cherry Red Records. Encore merci à vous tous de nous suivre sur Galaxy Radio chaque lundi soir. Je vous laisse avec Hippon, Kennel Clubben et Peter Bowman. Kennel Clubben, j'ai oublié de lire le titre, hein, c'est Honung Och Parfum. Alors c'est du suédois, j'espère que j'ai pas trop écorché. En tout cas, on se retrouve sous format non-stop la semaine prochaine, Walter, hein, c'est ouais. Bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et en live, en vivant, dans 15 jours. Voilà, tout à fait. Allez, bonne nuit à tous, et puis restez bien branchés, suivez nos réseaux sociaux également. Ciao. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça va vache. Galaxy, just electronic music.